Annonce 6. Suite à un accident grave de voyageurs, le trafic est interrompu entre les stations Charles de Gaulle Étoile et La Défense. Veuillez emprunter les correspondances.